Parti. Bon, le sujet de la soirée, lucidité versus confusion. Évidemment, un sujet qui, dans les deux mots, on a l'impression de tout savoir. D'ailleurs, il y a tellement, les gens savent tellement tout de ce que c'est être lucide et qu'est-ce que c'est la confusion, que l'assistance n'est pas grande. Bon, fait que je vais essayer de donner une paragraphe, une perception de la lucidité qui est différente de qu'est-ce que les gens s'attendent quand on parle de lucidité. En général, quand on parle de lucidité, les gens font référence au talent intellectuel de bien organiser, de bien lire, c'est le cas de dire, une forme d'événement ou une dynamique d'événement dans lequel, par leurs expériences, ils savent où ça mène, où ça doit, quel type d'objectif ça va donner, ou ce que ça va donner dans le rapport ou l'association que tu as avec les gens. Fait qu'on va dire, bon, ben, la personne, elle a acheté un tel produit, elle est extrêmement lucide, elle connaissait bien ses besoins, etc., etc. Et là, conséquemment, elle a fait un bon mouvement. Une personne est prise dans une compétition ou une confrontation entre deux achats possibles, là, elle peut être confuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait le tour de tous les arguments qui correspondent à ses besoins par rapport à la dynamique de l'événement ou du produit qu'elle veut consommer. Bon, fait en général, les gens vont définir lucidité comme bien connaître ses besoins et bien faire le mouvement ou par rapport à l'achat, par rapport à ci, par rapport à ça, qui donne l'effet de satisfaction. Et la confusion étant une possibilité d'insatisfaction qu'on cherche à éliminer par le fait qu'il y a une confrontation entre deux, trois, quatre ingrédients qui viennent se présenter comme étant des possibilités. Donc, ça demande effectivement à ce moment-là une sorte d'étude. Les gens, exemple, qui sont placés dans le stock market, la bourse, et qui ont à définir ce qu'ils sont, eux, comme personnages, comme traders, comme négociateurs, pour parler en termes français, ont effectivement à traiter avec ça, la lucidité, la confusion. Dans quelle direction va le marché? Est-ce qu'il va monter? Est-ce qu'il va descendre? Est-ce qu'il va se fixer dans en anglais, on appelle ça un sideway? Toutes ces questions-là présentent à l'individu une sorte de lecture des objectifs du futur et de l'événement futur. Fait qu'en général, quand on colle lucidité, on établit une lucidité par rapport à un événement futur. Alors que la lucidité, c'est un état de perception actuel et présent, en ce sens que tu es aussi lucide que tu es conscient immédiatement de ton état, des ingrédients qui sont à traiter dans ton état. Quand je dis ingrédients, moi là, je parle autant des événements que des objets ou des formes qui te côtoient, qui doivent correspondre à une utilisation quelconque dans l'action. Donc, c'est évident que pour être lucide, tu as besoin d'exploration ou tu as besoin d'une expérience, tu as besoin d'une certaine sagesse avec le temps pour l'ego. On est aussi lucide dans l'ego qu'on a l'expérience. Mais on peut être très bien lucide dans une situation où on a une absence totale d'expérience si on est en contact avec notre source. Et c'est là que je mets la nuance. À être lucide, il y a deux facettes à ça. Au même titre que d'être confus, c'est une conséquence de ne pas être lucide. Je vais m'appliquer plus sur la lucidité, je parle en termes d'explication, pour vraiment faire comprendre à une personne que d'être lucide, c'est une question principalement de lecture. Et je considère que le travail que je fais avec vous autres, c'est principalement un travail pour vous apprendre à lire dans des registres qui dépassent votre mémoire. Vous avez beaucoup de mémoire, vous êtes des gens qui ont dépassé le 30 ans, et normalement, on arrive souvent dans la cinquantaine ou la quarantaine, même pour certains, avec une artillerie d'expériences valables qui nous permettent, exemple, de conduire une automobile avec le maximum de sécurité, parce qu'on a exploré les effets de la glace, du verglas. Des mouvements imprévus sur la route, la pluie, de gens qui font des mauvaises manœuvres et qui demandent à être évités pour ne pas les frapper. Donc, conséquemment, on est souvent placé dans des rapports avec un milieu pour développer cette fameuse lucidité-là par l'expérience mémorielle. On avise des réflexes là-dedans. On avise une coordination intellectuelle et mentale. Et ça, ça rend l'individu plus efficace, autant dans son travail que dans la gestion de sa finance, parce que dès qu'on tombe dans les domaines comme la finance, on tombe dans du virtuel. Quand on est, pour exemple, changer un pneu sur le bord de la route, c'est un talent manuel, mais il y a aussi, ça, être lucide là-dedans, c'est comme le contact physique avec la forme, c'est une expérience qui est plus facile à aller chercher qu'une expérience qui est dans le virtuel. Moi, je fais un rapport comme le fait que c'est plus facile d'être manuel. Exemple, conduire une auto, on voit beaucoup de gens conduire sa route, et c'est une expérience qui est visuelle, manuelle, très physique, et qui demande une perception de l'abstrait à son minimum. Mais quand vous allez dans le domaine des mathématiques, la chimie, la physique, la finance, ou tous les domaines qui touchent les arts, là, on tombe dans l'abstrait. Donc, on tombe dans le virtuel. Et c'est plus difficile d'être lucide dans du virtuel que dans du matériel. Quand, exemple, une personne tire à la carabine, le trou dans le papier, il est évident. Ou l'absence de trou dans le papier, c'est aussi évident. OK? Mais une absence d'efficacité dans le monde virtuel, ça commence à être difficile à vérifier. Une absence de talent à faire de la peinture, c'est difficile à vérifier, parce que c'est une question de goût, c'est une question de style, puis même un style qui s'étudie, ça reste que tu peux avoir ton propre style, puis ton propre style n'est pas nécessairement défini dans les critères des styles existants. Mais ton propre style peut être très, très valable. Sinon, des gars comme Picasso n'auraient jamais traversé des Rembrandt ou des Van Gogh. Hein? Fait que pour que Picasso dise, ben moi, je fais ça comme ça, il a fallu qu'il crée un style qui n'existait pas. Fait que, inévitablement, quand on tombe dans le virtuel, on est dans un terrain qui est difficile à vérifier, donc qui est en dehors de la forme, et que quand ça s'en va dans une lecture virtuelle, ben là, ça devient plus matière à confusion selon les systèmes de valeurs. Le manuel, tu fais de la cuisine, tu es bon cuisinier, tu es lucide dans l'utilisation des pâtes, des viandes. Tu sais, viande, c'est poulet, bœuf, poisson. Quand tu commences à bien savoir là-dedans, tu t'en vas, les bons gars, c'est les sauces puis les épices. Quand tu commences à travailler avec les sauces puis les épices, c'est là que tu commences à faire la différence entre manger un hamburger puis manger une viande à la créole, ou une viande à l'assaisonnement de ci ou de ça, tu sais. Quand je vais manger chez Dickens, ils ont un hamburger qui est différent de chez McDo. Puis pas tout le monde connaît Dickens. C'est un petit hamburger plat qui est épicé avec une recette secrète. Mais quand tu es dans le manuel, tu mets 25 personnes, c'est les goûts qui vont déterminer la zone dite de lucidité. Mettons qu'on dirait, ouais, ça, c'est un bon hamburger. Bien, un bon hamburger, être lucide dans la notion de c'est bon, c'est relatif à des goûts. Donc, dans les deux cas, que ce soit le virtuel ou le manuel, on fait affaire avec des goûts. Non, moi, je vais écrire ça. Oui, c'est. Avec des goûts, voyons. Des goûts ou des systèmes de valeurs. Le virtuel, il va aller plus chercher dans les valeurs, tandis que le manuel, il va plus aller chercher dans les goûts, dans les perceptions esthétiques, les perceptions de sensations. Okay, je dis goût, mais c'est plus large que le mot goût, là. C'est du sensation, la sensation corporelle, physique, ces choses-là. Donc, il y a des gens qui peuvent être extrêmement lucides dans des zones manuelles pour raffiner des perceptions qui sont tactiles, qui s'affairent au sens. L'œil, l'odorat, l'ouïe, la bouche, le goûter, toutes ces choses-là. Bon, c'est ça qu'il faut que je remplace. C'est pas le mot goût, mais c'est le mot sens. Fait que le manuel va aller chercher beaucoup de perceptions au niveau des sens. C'est pour ça que je m'en fais juste dedans. Et puis le virtuel, lui, il va aller chercher beaucoup dans le système de valeurs. Exemple, la loi. Être lucide au niveau de la loi, ça demande une compréhension virtuelle. C'est moins perceptible. C'est sûr que quand tu as un huissier qui vient chercher ton stock chez vous, c'est concret. Mais avant de se rendre là, il faut que tu aies fait un travail dans le virtuel avant. Donc, plus vous vous rapprochez d'une lucidité à caractère virtuel, plus vous touchez les systèmes de valeurs. Et conséquemment, vous allez dans des registres qui sont les archétypes de la planète. Un magicien, un peu ce que moi je vis ou ce que je fais quand je suis à la vibration, eux autres vont m'emmener dans les archétypes et ils vont faire un travail sur les plans. Là, ça commence à être virtuel, pas à peu près. Parce que là, on parle de traiter avec des vibrations pour éliminer une confusion qui est vibratoire. Une confusion, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir de vibratoire dans de la confusion? Ça marche, ça ne marche pas. C'est que quand ça ne marche pas, vous êtes dans des énergies de contraction. Puis quand ça marche, vous êtes dans des énergies d'expansion. Fait quand votre vie matérielle est bloquée, ou votre vie sentimentale est bloquée, c'est des ondes d'influence qu'il y a sur les plans qui vous affectent sans avoir de forme, donc sans avoir de pensée, et dans lequel vous êtes dans un plan virtuel sans aucune forme, même pas de langage, même pas d'image, il n'y a rien autre que de la vibration. Et ça, c'est un matériel à très, très haute confusion. Et là, je vais vous expliquer pourquoi c'est confus, c'est difficile d'être lucide. Après-midi, j'avais une vibration pour m'en aller au centre de tir. Une vibration, mais pas de raison. Mon raisonnement, c'était, hey, t'as une conférence ce soir, Pete, là. Tu vas arriver en retard si tu vas là. Ça, c'est le raisonnement, OK? Mais moi, je ne suis pas le raisonnement, je suis la vibration. Suis dans le sens, pas de devenir, mais suis dans le sens de suivre, OK? Donc, je m'en vais dans le sens de la vibration. Je dis, mais aller au centre de tir, je veux bien voir qu'est-ce qui se passe là. Moi, dans ma tête, c'est, ils veulent que j'aille ajuster mon télescope. Mais j'ai dit, c'est flyé un peu, tu sais, faire ça juste avant ta conférence. Je m'en vais là-bas, puis là, j'ai eu la confirmation comme quoi je n'avais pas le droit d'organiser un concours de tir si c'était à but lucratif. Ah! C'est virtuel encore, parce que ce n'est pas confirmé. C'est, le gars me dit, je ne pense pas qu'ils vont te permettre de faire ça. C'est virtuel. Vous me suivez? Fait que, là, je comprends, parce que j'étais confus un petit peu d'aller là-bas, tu sais, suivre une vibration. Si ce n'est pas dans mon raisonnement, c'est une source de confusion. Vous me suivez? Parce que mon raisonnement n'est pas capable d'assimiler l'aspect lucide des forces. Vous me suivez tout le temps? Donc, être lucide avec les forces, il n'y a jamais de confusion si tu ne te poses pas de questions. En d'autres termes, il y a autant de confusion qu'il y a de questionnement. Pas de questionnement, pas de confusion. C'est juste de l'ajustement. Tu sais, si tu fais des mouvements qui demandent tout le temps d'être corrigés, comme là, je suis revenu puis j'ai trouvé des parades au problème. Là. Tu sais, j'ai trouvé une façon de régler ça. Donc, en soi, il y avait une confusion sur l'obstacle, mais il n'y avait pas ultimement de confusion puisque les forces étaient capables de me placer dans de la solution. Vous me suivez? Mais si tu es pris dans du raisonnement, donc dans des valeurs ou des perceptions de sens, là, tu peux être confus. Mais avec les forces, tu n'es jamais confus. Tu es toujours lucide. Mais ça exige de ne pas référer au sens et au système de valeurs. Ça exige ça. Sinon, là où il y a sens et système de valeurs, il y a toujours confusion potentielle. Hey, c'est simple, ça, là. Bon, là, vous allez dire, fuck, on a tout réglé. C'est vrai. Nous, on a tout réglé. Mais on n'a pas tout réglé. Parce que pour être lucide au niveau de la vibration, il faut vraiment avoir une capacité d'action aveugle, façon de parler. Parce que tu n'es pas aveugle, tu es sensitif à l'extrême. Moi, étant sensitif beaucoup et étant habitué de vivre avec tout le tournoyage, là, la façon de faire les choses, bien, c'est comme, je te dis, bon, ben OK. C'est comme, pour un égo, c'est prendre des risques tout le temps. Puis pour un gars comme moi, c'est simplement vivre au max. Ça vit au max avec les forces. Tu es toujours au maximum de tes capacités. Tu ne connais jamais le résultat dans 2 heures, dans une demi-heure, dans 1 heure, dans 10 minutes. Tu ne le connais jamais. Puis tu ne le connaîtras jamais. Ils peuvent t'en faire connaître un petit peu, mais ils ne peuvent pas te donner des garanties absolues que c'est ça, ce. Ils vont toujours te créer des petites variantes pour pas que tu figes dans une perception que j'appelle manuelle. Manuelle, ça veut dire que tu es toujours garanti de la forme. Garantie de la forme, pour moi, c'est toujours avoir une garantie d'un salaire. Toujours avoir une garantie d'une affection. Une garantie d'appréciation. Tu sais, tout ça, là, tout ce qui fait que l'ego, il dit « Ah, j'ai du goût de vivre. » Okay? Tout ça, là, que l'ego veut du goût de vivre, jamais, jamais, et une autre fois, jamais, les forces vont vous le donner. Jamais. Ils vous donneront jamais de garantie. On recommence-tu? Jamais de garantie. C'est-tu clair, Chris? Réécoutez ça en loupe, là, pendant 150 fois, puis c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que vous fixiez. Ils n'en veulent pas de fixité. Les forces, c'est un mouvement. Il n'y a pas de temps avec les forces. Ils sont en dehors du temps. C'est du mouvement. Fait que si vous le figez dans le temps, style, dans 3 semaines, je vais faire ça, puis ça va donner ça, là. Ça, pour eux autres, là, c'est l'anti-mouvement. L'astral, c'est le temps. L'astral, c'est la mémoire, parce que c'est du temps. Il n'y aura pas de mémoire, pas de temps. Tu mets que du mouvement sur la planète, le temps disparaît. Vous me suivez? L'astral, c'est le temps. Une montre au poignet, c'est du temps et astral. Tu t'astralises quand tu commences à dater les choses. Là, tu vas dire, hey, fuck, si on n'a plus de calendrier, on s'en va où? Essayez de vivre, pas de calendrier. Tu sais, tu te lèves le matin, puis tu ne te poses pas la question, c'est-tu jeudi ou vendredi? Vous allez vivre pareil. Vous allez vivre, pas de monde. Chris, quand tu fais noir, tu vas te coucher. Moi, je ne vais pas me coucher quand tu fais noir, je vais me coucher quand je suis fatigué. Quand je suis fatigué, à 2 h l'après-midi, je peux aller me coucher. Hein? Il n'y a pas d'heure, si. Chris, le gars, il est 7 h, il faut que j'aille me coucher. C'est quoi, ça, 7 h, il faut être couché? T'es-tu fatigué? Non, mais c'est 7 h. Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Ouais, mais je me lève demain matin, ben oui, tu peux passer, tu peux faire un 48 h, tu vas te lever pareil. Tout est basé sur de la datation. Fait que les gens, ils disent après ça, tu peux pas vivre. Les sens deviennent tout mêlés. Moi, je dors pas gros de ce temps-là, puis j'ai l'air d'un gars fatigué. Je me sens pas fatigué. J'ai eu du fun. J'ai tiré 200 balles l'après-midi, puis pas de trouble. Système de valeur. Les gens vont bloquer. Ah non, pas le droit, pas le droit, pas le droit, pas le droit. Mané, pas le droit, pas le droit. Tu fais quoi dans la vie, pas le droit, tu sais? J'ai pas le droit de me coucher après 7 heures. Ah non, non, c'est quoi cette histoire-là? J'ai pas le droit de me lever à telle heure. J'ai pas le droit de ci, j'ai pas. Tu sais, tu finis, mané, que ta lecture est complètement distorsionnée. Fait que là, après ça, on te dit, hey, il faut te suivre une vibration. Tu vas être bien plus lucide si t'es vibratoire. Là, tu viens tout mêler. T'es confus. Pourquoi? Parce que t'es confus avec tes systèmes de valeur puis tes sens. Ton système de valeur, tu dis, non, j'ai pas le droit. Tu sais? Puis là, ben, tu peux pas suivre la vibration. Ben là, tu vas te promener entre être dans l'expérience et être confus. Fait que, quand tu es dans l'expérience puis que tu le répètes, puis que dans la répétition, il y a une certaine régularité, tu vas dire, ah ben là, ça, j'ai le droit. Alors que si tu aurais d'autres choses à essayer, peut-être que tu pourrais visiter d'autres choses. Vous me suivez? Vas-y, pose la question. C'est quoi la différence entre un mouvement et une vibration? Bien, pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait vibration. Il n'y a pas de mouvement sans vibration. Fait que dès que tu es paralysé, ça veut dire que l'intelligence ne passe pas. C'est ça. Fait que de l'intelligence qui ne passe pas, je te donne un exemple. Tu n'as pas assez d'argent pour manger. Ça, c'est de l'intelligence qui ne passe pas. Ça veut dire qu'il y a des blocages. Puis, tu dis, j'ai pas d'argent, mais je mange 3 fois par jour. Ça veut dire que l'intelligence passe. Parce que c'est pas une histoire de comptabilité de combien tu vas avoir à 45 ans. Fait que dès qu'une personne, exemple, se donne une image de sa retraite avec X montant, elle est déjà datée. Et en étant datée, elle est limitée. Ça veut dire que c'est une personne qui est nécessairement limitée. Quand mon père a ramassé 750 000 puis il n'a jamais vécu à la mesure de ce qu'il a acquis. Fait que, moi, j'ai garanti ses plans. J'ai dit, papa, inquiète-toi pas, je vais m'occuper de ce que tu n'as pas fait. Tu sais, façon de parler. Mais ce n'est pas une façon de parler, c'est réel. Je vais faire, parce que les enfants doivent vivre ce que les parents n'ont pas vécu. Je vais m'occuper de vivre ce qu'ils n'ont pas vécu. C'est déjà pas mal fait, de toute façon. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'être lucide, il y a 2 façons de l'être. Il y a la sagesse vécue au niveau de l'ego par le biais de l'expérience. Puis il y a la lecture vibratoire des choses qui te permet d'être en mouvement constamment. avec la datation, tu vieillis et tu meurs comme la mémoire te l'indique. Et quand tu meurs au niveau des fosses, tu fais juste mourir pour t'aller te rafraîchir le corps. Moi, quand je vais mourir avec ce que j'ai plugué dans le cul, ils vont me réincarner quasiment instantanément, puis ils vont me mettre un autre corps. Il n'y a pas un corps de femme, j'espère. Pourquoi tu dis qu'ils vont me plugger instantanément pour tout de suite en... Ben, c'est parce que tu es en mouvement. Ah. Ils ne te mettent pas au rencard, tu sais, t'es pas pareil. Fait que, parce qu'une personne qui meurt avec un mental qui est pareil, ils ne peuvent pas la faire se réincarner, sinon elle revivrait encore la même crise de vie. Là, t'sais. Fait que, il faut qu'il te transforme. T'sais. La conscientisation, c'est un travail de désintégration de ta perception mémorielle pour en arriver à une acquisition d'une perception mentale, donc vibratoire. Pas mentale dans le sens intellectuel. Fait qu'ils défont ça dans la vie, là, la perception avec la, ce qui est de régulier, de prévisible, puis de ci, puis de ça. Là. Ils te la défont lentement en te mettant devant des événements qui sont toujours comme « Ah, j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu ça. » Fait que t'es toujours comme dans le vide. C'est ça que je trouve rushant, moi, là. Mais je comprends que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent aussi. Mais je comprends principalement que de se faire défaire la forme, puis de toujours être dans un vide, puis de toujours être capable de faire des projets pareils, ça, c'est une marque d'intelligence. Être capable de ne pas être pris par la peur de ne pas réussir, parce que tu n'as pas réussi par rapport aux autres. Tu as à vivre. Vivre, c'est une réussite. Pas vivre pour quelqu'un, ou vivre avec quelqu'un, ou vivre en fonction des autres. Vivre, juste vivre, c'est une réussite. C'est quelque chose, vivre. Chris, faut pas que tu meurs. T'sais. Regarde tout ce que tu as sur la route pour te tuer. Toutes les autos, c'est des menaces potentielles. Tout est possible que tu meurs dans la semaine. Puis tu survis, Chris. Tu réussis à passer à travers ça, ça, ça. Hey, regarde les déceptions qu'on a dans la vie. Regarde les manipulations qu'on subit dans la vie. Puis on réussit à passer à travers de ça. C'est hallucinant, là. Fait que, on vit avec du vide. As-tu remis le son? J'ai jamais rien enlevé. Jamais, jamais. Je fais pas ça. Je fais ça au montage. Moi, quand je ferme la trappe, j'ai juste à faire un petit show avec la souris. Là, puis... J'ai disparu. C'est quoi ta question? Comme ça, là, ce que je viens de parler, tu penses que je vais laisser ça sur le CD? C'est ça, on va faire du montage. C'est pour ça que je ne vous donne pas vos CD tout de suite, parce que j'ai plein de montage à faire. Je dis toutes sortes de conneries, puis il faut que j'enlève ça sur le tape. Pour ça, c'est long. Ça prend 6 mois. C'est quoi ta question? J'en avais pas. T'en avais pas? Tu veux juste me déranger, c'est ça? Ah, OK. Ça me crée de la confusion. Donc, si tu as un mouvement, puis que c'est comme tu sens que tu t'en vas dans le vide, mais c'est une vibration, puis c'est là c'est, on se fait pogner par nos peurs, qui fait que là, on ne dérange pas des anciens patterns, ben non. Gars, je t'ai amené vendre de l'or. C'est quoi après? Non, mais je t'ai amené vendre de l'or. T'es bloqué, là. Tu sais, si j'étais pas là, tu n'aurais pas eu la paye que tu as, là. Non, mais c'est non, tu étais là-bas au comptoir, puis « Ah non, ça, je garde ça, ça, je garde ça. » Puis là, il dit « Chris, tu m'as fait descendre de Saint-Jérôme, tu m'as pas fait ça pour rien, j'espère. » Puis là, « Ouais, laisse aller ça. Ouais, mais ça vaut 3 000 $ Non, ça vaut plus 3 000 $ J'ai suivi la vibration, mais après ça, je me suis placé. Après ça, tu as 8 500 $ cash à la table. Ouais, je sais bien. Mais là, je t'ai attaché à la forme un petit peu. Oui, ça vaut aussi, ça vaut ça. Ça vaut plus ça. C'est mais je sais, c'est ça les valeurs. Toi, t'en as pas de valeurs sentimentales. Ben, je vous aime bien. Ça. Je vous aime bien, je vous ai pas lâché là, tu sais, Chris. Je peux pas dire que je pourrais pas faire d'autre chose dans la vie. Je suis vendeur en tabarnak, m'a dit une chose. Mais c'est vrai que c'est après que j'ai réalisé tout ça, là. Oui, là, après, une fois que t'as eu passé... C'est ça, là, t'avais ton manteau de fourrure à vendre, là, t'avais des CD à vendre, ton kit à vin à vendre, tu sais... Tout nu l'année prochaine, ça va être ton corps à vendre, tu sais. On... Non, je vais te rester ça. Non, je sais bien. Ça, c'est cher. C'est cher, c'est ça. C'est pas vendable, esti. Il faut aller vendre ça à West Palm Beach, câlisse, tu sais. Fait que, bon, c'est correct, là, parce que là, j'ai une esti de bout à couper. Là. OK? Bon, fait que c'est ça. Fait que t'es plus des valeurs, c'est le passé qui te retient. Puis là, tu sais, tu t'es donné 1 500 $ d'avenir en clairant des bijoux. Ben oui. En passant, s'il y en a qui veulent clairer de l'or, là, ouais. C'est 15 $ le gramme pour du 14 carats. Puis c'est 20$ le gramme pour du 18 carats. Puis ça va jusqu'à 40$ pour du 24 carats. 24 carats, c'est de l'or pur. OK? Fait que si vous avez des affaires à vendre, les pierres ne valent rien. Elle avait des saphirs, là. Puis les saphirs, quand ils sont noirs, là, quand c'est foncé, ça met... Chose, mais lui, il pas ça. Non, il n'achète pas ça, mais ça vaut pas. Ça, de la façon que j'ai compris, ça ne vaut pas grand-chose. Un saphir, ça vaut de l'argent si c'est clair. Si le saphir... Oui, clair. Il faut que ça soit clair. S'il est noir, ça vaut rien. Puis, dans le cadre, justement, de suivre la vibration, vous êtes toujours... Il ne faut jamais oublier, hein, vous êtes toujours sous l'effet du contact. Fait que si vous êtes toujours sous l'effet du contact, vous pouvez considérer le fait que vous êtes lucide en permanence et que c'est la confusion qui vient vous déranger. Ça, c'est important, ce point-là, parce que tu ne viens pas au monde confus. Tu ne te présentes pas dans un nouveau travail confus. Tu ne te présentes pas dans rien confus. Tu te présentes tout le temps avec un état maximal de lucidité, et ça, c'est proportionnel au fait que vous n'êtes pas trop pris par les systèmes de valeurs. Je vous donne un exemple. J'ai des amis qui sont à... Bien, des amis, c'est un grand mot, là. Mais j'ai un gars, en tout cas, que je trouve qu'il est bien smart avec moi, puis c'est un Libanais, il parle arabe, tu le quittes. Moi, tu m'aurais dit, « Ménard, tu vas apprendre l'arabe. » J'avais dit, « T'es-tu malade? » Mais il me donne une petite phrase de temps en temps. Tu sais, comme quand je commande du poisson, il dit « Badi Salmoun ». Je dis « OK, Badi Salmoun ». Là, il m'a fait une petite nuance. Il dit « Aimerais-tu avoir du poisson? » Ça, c'est « Badik Salmoun ». Bon, OK, là, il est en train de m'apprendre la grammaire. Dans 3 ans, je ne vais peut-être pas parler arabe, mais je vais baragouiner quelques affaires. Et puis, il n'y a pas un gars sur la planète, à part de lui, qui aurait pu le faire. J'ai laissé, parce que moi, j'ai un système de valeurs assez barré là-dessus, sur la mentalité arabe. J'ai bien de la misère avec ça. Mais Colis, il m'a passé à travers mon système de valeurs. Puis, j'ai juste suivi la vibration avec lui. Puis, c'est un amour, ce gars-là. J'ai du fun avec, c'est l'enfer. Bien, il me donne du poulet, tout son stock de poulet. Lui, ça fait son affaire. Moi, ça fait mon affaire. Puis, il est fin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que, tu sais, c'est comme... Les forces m'ont dit, « Hey, écoute-les, lui. » Tu sais, puis... Puis je dis, OK, correct. Fait que là, je l'écoute parler arabe avec ses chums, puis là, c'est comme ça me calme le pompon. Tu sais? Ça me rend pas confus comme avant. Tu sais, avant. C'est... Ouais. J'ai acheté mon auto, moi, d'un Syrien, là, tu sais. Puis Chris, il m'en avait refilé un. Tu sais, mon moteur a sauté au bout de 100 000 kilos. Fait que, tu sais, j'ai comme toujours des mauvaises expériences, excepté lui. Tu sais? Fait que je vivais dans mes systèmes de valeur, genre. Ça, tu vas te faire fourrer. Puis ça crée de la confusion, parce que mon rapport, il était comme biaisé. Ah, t'es arabe? Tu sais, t'avais comme une espèce d'interdit qui s'installait. Puis lui, il m'a fait sauter ça. Fait que ça me rend plus lucide. Tu sais, c'est comme, j'ai moins de blocage. Bon, bien, on vient au monde lucide, et on se fait défaire par l'éducation, on se fait défaire par les structures ambiantes, on se fait défaire par une expérimentation qui n'est pas toujours positive. Vous n'avez pas toujours du fun dans la vie. Tu sais, c'est comme exemple, je suis en train de faire l'image de soi, le CD sur l'image de soi, puis je dis, à un moment donné, dans la conclusion, il n'y a personne qui est venu au monde pour vous aimer, même pas vos parents. Ils ont une expérience karmique à vivre avec les enfants, et puis c'est pas donné d'aimer quelqu'un. C'est quelque chose qui s'acquiert avec de la satisfaction. Il faut que tu sois satisfait dans ton rapport avec l'enfant pour l'aimer. Il faut que tu sois satisfait dans ton rapport avec une personne pour l'aimer. Chris, si tu en as un... Tu sais, j'ai un petit bébé, moi, dans mes chats, qui est détestable. J'ai changé de chat. Il dit, toi, tu ne peux pas rester dans ma chambre, tu m'empêches de dormir. J'ai pris le chat, j'ai été voir une autre chat qui allaitait, puis j'ai chupé ça dedans. Mais elle, ça n'allait pas dans ma chambre. Je ne peux pas aimer quelque chose qui me crée de la distorsion. Parce qu'on se comprend. Donc, vous venez pas au monde pour être aimé, mais il y a combien de gens dans la vie qui pensent qu'ils sont venus au monde pour être aimés? Hey, wow, réveille-toi là, là. Y a-tu une hostie de raison sur la planète pour que le monde t'aime? Là, on dit, ben, je suis fine. Ouais, mais annonce-les, fais de la publicité, passe ça dans le Journal de Montréal. Tu sais, arrange-toi pour te faire connaître. Faut que tu donnes quelque chose aux gens. Faut que tu sois utile. Et là, je dis dans le CD, les gens utiles sont possibles, on peut les aimer. Mais une personne qui est inutile, pourquoi qu'on l'aimerait? Il n'y a pas de raison. Fait que là, C'est une lecture, ça, qui fait beaucoup de confusion quand tu penses que tu as accès à quelque chose qui devrait être normal. Fait que tu t'établis une normalité dans ta vie qui n'est pas normale. Fait que déjà, tes odds sont faussés. Puis quand on vient au monde lucide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une perception vibratoire de notre environnement. C'est à nous autres, dans la perception qu'on se fait, de voir qu'est-ce qui se passe. Pas voir ce que tu veux qu'il se passe, de voir ce qui se passe. Puis ce que tu veux qu'il se passe, ça, c'est selon l'utilité que tu as dans ton milieu. Fait que tu es utile à ton milieu, on va te donner tel avantage, on va te donner ci, on va te donner ça. Tu veux pas ça bizarre? J'organise un concours de tir. Puis là, je rencontre un gars qui est distributeur pour la compagnie ATK. ATK, ils fournissent Ruger, Savage, les balles fédérales, les balles champions. En tout cas, un paquet d'affaires. C'est les plus gros. ATK, c'est le plus gros distributeur d'armes aux États-Unis. Le deuxième plus gros. Le distributeur canadien. Je le rencontre. Le gars, il me donne une casquette. J'y donne un porte-clés. Puis le gars, il collectionne les porte-clés. Il voit mes balles, il dit, je peux-tu en avoir deux autres? Prends ce que tu veux, mon pit, il n'y a plus trois, quatre. Merci. Là, il me donne un tapis de souris, il dit, y a-t-il quelque chose que tu aimerais acheter? J'ai besoin d'un télescope, il m'a te vendre ça au casse. J'ai un télescope de 350$ que je vais payer 215$. Un tactique, comme on a tiré, ça vaut 1100$. Il va me le vendre pour 600$ au casse. Capotant. Carabine, n'importe quoi, de mes livres, je vais aller au casse. Je le rencontre mardi là, pour avoir mon premier télescope. Non, mais je veux juste vous faire comprendre une chose. Je vibre. Assez pour pouvoir vouloir partager mon expérience pendant 6 mois, 1 an. Je vous amène, je vous accompagne dans un centre de tir. J'ai quand même passé 38 personnes là-dedans. Là. C'est pas si peu. Il y en a 7 qui ont acheté des carabines là-dedans. C'est beaucoup. Puis je me fais chum. C'est facile de me faire chum avec tout le monde là-dedans. C'est comme si je suis dans la famille. Pff, ah ouais, le plus gros Québec, c'est moi qui le ramasse. Puis le gars, il est chum-chum, là, tu sais. Hey, Dan, puis là, il m'a parlé que j'étais au centre de tir. Il m'a parlé quasiment 3/4 d'heure de temps au téléphone. Ah ouais, puis tu as quelque chose que tu veux que je t'emmène? J'ai dit, oui, je vais emmener mon magnéto. J'ai dit, moi, t'enregistré, puis je vais mettre des petits bouts, le conseil des experts, puis tu sais, je vais te prendre toi, puis je vais le mettre sur mon site, puis tu le quittes. Ah, t'es donc fin! Puis là, je dis, je vais organiser. Les femmes, ils ne tirent pas à carabine. Puis je dis, moi, quand on parle de tir de précision, il n'y en a pas au Québec. Puis je dis, les femmes, à la chasse, ça ne les intéresse pas. Mais aller faire du tir de précision, ça les intéresserait. Ah, oh, il dit, je vais te plugger avec le président. C'est vrai, c'est une bonne idée. Laissez-moi aller encore un an, je vous dis, là. C'est une bonne idée. Dans un an, là. Après ça, on va faire un documentaire. Oui, vous allez me voir passer des journaux avec un commanditaire genre Molson, la batte, n'importe quoi. Non, non, oui, c'est ça. Ah, on niaise, mais ça pourrait, effectivement. Oui. Je suis bien ouvert à l'idée. S'il va y avoir du montage à faire, cette CD-là. Mais ce que je veux vous faire voir là-dedans, parce que moi, je me sers toujours mon expérience personnelle pour donner des images, c'est que la lucidité qui, dans mon cas, à moi, est plus axée sur la vibration que sur l'expérience. Je n'ai pas d'expérience dans les armes, mais j'ai une crise de capacité de suivre la vibration. Hein. Fait qu'à suivre la vibration, je m'infile dans un milieu sans expérience, sans mémoire. J'ai une expérience des armes qui est avec Gilles, un peu au pistolet, mais surtout depuis, mettons, un an. Là, j'ai commencé le 15 juillet à tirer. Là. C'est quand même pas beaucoup d'expérience. J'en sais beaucoup. Oui, j'en sais beaucoup, beaucoup. Pour un an, là, j'accote un gars qui a fait 5-6 ans qui tire. T'sais. Puis c'est juste à suivre la vibration. Puis j'ai pas. Je vis pas de. On peut pas. Je vis pas de confusion. J'ai rien pour m'arrêter là-dedans. C'est comme du développement tout le temps. Parce que sa vibration, t'as pas de censure. Quand tu es dans la lucidité expérimentale, là, tu vas commencer à vouloir faire quelque chose. Exemple, un concours, là, tu sais, je vais avoir la GRC sur le cul, puis j'ai demandé, j'ai dit là-bas, penses-tu que si j'organise des concours, là, tu sais, je vais avoir la police? Absolument pas. Si les gens sont en règle, c'est des invités en règle, qui suivent les choses en règle, puis qu'il y en a qui ont des permis d'acquisition en règle, Il n'y a pas de problème. Tu as le droit de boire, tu as le droit de prendre de l'alcool, tu n'as pas le droit de frapper quelqu'un, mais tu as le droit de boire de l'alcool. Tu as le droit de tirer des armes, puis c'est des armes, il ne faut pas que tu sois sous l'effet de l'alcool. Ça demande au contraire d'être très, très présent, très concentré, ces choses-là. Fait que, à m'en aller dans un projet pour moi comme ça, qui est nouveau, qui n'a pas d'expérience, que c'est juste sa vibration, c'est comme une exploration que les forces me font faire pour voir jusqu'où une personne peut aller dans le vide. Je suis dans le vide, moi, là. Puis un Christi de vide, je connais rien, mais je commence à, tu sais, je me mêle, puis Christ, suivez-moi, vous allez voir, vous allez être du fun. Je vous garantis que ça, tu sais, on peut virer ça, on peut, tu sais, ça peut être un concours de tir, puis un Christ de party après, là, tu sais. Comme il dit, Gilles, c'est le fun d'être ensemble. Fait que, puis il n'y a pas... T'sais, attendez que je commence à dire, y a-t-il des gens qui veulent venir au concours? Là, vous allez rencontrer du monde que quand on parle d'âme, on peut parler tout le temps. 2 heures, 3 heures de temps. J'étais avec Gilles à Valcartier, puis Chris, hein, c'était quasiment notre famille. Ça rendrait comme dans du beurre, là-bas. Là. Dès que tu parlais de gun, puis ça, là, oh, oui, puis généreux, le monde, t'sais, pour l'information. Le vide, ça demande d'être dans le vide. Fait que vous êtes dans n'importe quel, patente, à gosse. Une job, vouloir avoir un kiosque ou marcher aux puces, n'importe quoi. Vous êtes dans le vide, ça va débloquer. Vous commencez à mettre des « ouais, mais », puis là, la petite bouche en cul de poule, puis là, si le bordel commence. Vous allez barrer vos affaires. Donc, suivre une vibration, c'est une question de lecture dans un monde qui est très, très, très virtuel, qui descend progressivement dans les sens et dans les systèmes de valeurs pour aller toucher du manuel, mais... Quand, exemple, on parle de suivre une vibration, exemple pour les âmes, les valeurs, c'est juste la loi. Tu n'as pas le droit de tirer sur quelqu'un, tu n'as pas le droit de te suicider. Point final. Pas compliqué à comprendre, ça. Là. Mais, si je demande, je dis, j'ai le droit d'emmener mes âmes, ça, tu as dit, si vous n'avez pas de balles, il n'y a pas de problème. Et nous autres, on ne veut juste pas avoir de balles. Donc, vous avez le droit de mettre un pot de fleurs, vous avez le droit de mettre n'importe quoi dans votre salle, puis vous vous retirez après. Pas de trouble. Fait que, la première fois, j'ai demandé, j'ai dit au directeur du bâtiment, j'ai dit, j'aurais 3-4 carabines à faire venir. Pas de balles, pas de trou. OK. C'est des valeurs. On ne veut pas avoir de Dawson, on ne veut pas, tu sais, OK. C'est simple de même. Tandis qu'une personne, elle, qui pense à la place des autres, va dire, « Ah, ben non, je ne peux pas. » Fait qu'elle ne fout rien. Fait que ça, la lecture, c'est essentiel. Après ça, être lucide, ça dépend des résultats. Bon. Tu as des résultats qui vont mal. Ça, c'est pour l'exploration. Puis pour le bien, c'est pour la satisfaction. Un gars ne continue pas s'il n'y a pas de satisfaction. On s'entend? Mais c'est impossible de penser que dans l'exploration, il n'y aura pas des choses qui résistent. Tu t'en vas tirer, tu ne tireras pas pour la première fois 150 balles dans le même trou. Hein? Il va y en avoir une coupe à côté, sans compter qu'une balle puis une autre balle, ils ne sont pas faites pareil. Puis c'est tout là qui est la beauté de l'affaire, c'est qu'il n'y a pas une balle qui se place de la même façon. Même si tu ne fais pas bouger la carabine, il y a des balles qui vont avoir des trajectoires différentes juste à cause de leur construction. Vous me suivez? Donc, le mal qui finalement le côté, je dirais, que tu ne veux pas avoir dans ta soupe, l'affaire que genre, il ne faut pas qu'il arrive, tu vas en avoir parce que tu explores. Tu n'as pas le choix, tu commences, tu es dans le vide. Tu vas nécessairement avoir des zones d'exploration parce que l'ego, il faut qu'il se bâtisse des points de repère. Fait que dans les points de repère de l'ego, il y a des zones, on va dire, d'insatisfaction causées par le mal étant l'aspect le plus expérimental que tu peux avoir pour l'ego. Donc, le résultat, moi, on va vous donner un exemple. Quand je m'en vais dans un processus, puis que ça ne va pas comme je veux, tout le temps, je me choque pour que je ne perde pas le focus. Mais pour moi, la colère, c'est fondamental. J'ai besoin de vivre de la colère pour me ramasser, surtout en vieillissant, on vient plus dilaté. J'ai besoin de la colère pour me ramasser, et faire face à mon exploration parce que j'ai besoin d'un maximum d'attention. Ça, si tu ne peux pas avoir un maximum d'attention quand tu es dans la laine, tabarnak. Tu sais, même si je le dis, là, tabarnak. Fait que, il vous faut de la colère pour explorer. Parce que dans l'exploration, tu t'en vas à une place, tu ne connais pas, tu es en auto, puis tu cherches les sorties, tu cherches les rues, tu cherches les adresses. Si tu n'as pas un maximum de présence puis d'attention, bien, tu vas fouiller longtemps. Tandis que quand tu connais la place, bien là, c'est sûr, tu vas te rendre direct parce que ton ego a ramassé l'expérience. Mais il a été cherché, il a payé un prix, là. Il y a toujours un prix à payer pour aller chercher de l'expérience. Moi, j'appelle ça étudier. Étudier, pour moi, c'est le traitement contre le mal. Mais étudier, c'est comme un médicament parce que tu n'es pas capable. Donc, il y a un manque et le médicament, c'est l'exploration. Et cette exploration-là, pour moi, c'est de l'étude. Quand j'explore, j'étudie. Je m'en vais dans le stock market, ça peut marcher, puis ça peut ne pas marcher. Puis il faut que je connaisse qu'est-ce qui ne marche pas pour étudier, pour explorer. Donc, je connais le mal. Perdre 2 000 $, 10 000 $, 50 000 $, c'est le même principe. Perdre 100 $, 10 $. Tu vas au casino, tu payes 100 $ à ta soirée, puis tu payes 100 000 à la bourse. It's the same fucking game. Tu as le même problème d'attention dans un ou dans l'autre. C'est pas le montant qui détermine si tu étudies plus qu'un autre. C'est le montant qui détermine le niveau de folie ou de confusion dans lequel tu es. Vous me suivez? Donc, une personne, moi, je dis tout le temps, essaie d'explorer petit. Comme là, j'explore les concours de tir. Mais si je finis avec la compagnie ATK comme commanditaire, je vais faire tirer des carabines de 2-3 000 $. Pas tirer, mais oui, je vais faire tirer des carabines, c'est sûr. Mais pas dans le sens de tirage, mais dans le sens de tir à la carabine. C'est ça, promouvoir une carabine avec le champion gagne la carabine. C'est un bon principe comme concept. Mais là, je ne peux pas, parce que je ne suis pas backé pour faire ça. Mais tu me backes là-dessus, t'en veux combien de ventes comme ça, là? On va t'enclairer une coupe. Puis tu sais, tu organises un concours, les gars, ils amènent leur carabine, ils tirent, puis le meilleur, il gagne la carabine. Wow, c'est intéressant. Mais ça ne sera pas dur pour moi de dire, écoutez, mon principe, moi, je l'ai essayé, j'en ai fait 4 concours, puis ça a très bien fonctionné, puis les femmes adorent ça. Puis vous n'avez pas de public féminin. Parce que le public féminin ne veut pas aller à la chasse. Puis c'est juste des chasseurs que vous vendez des carabines. Nous autres, on voudrait importer le principe pour que les deux sexes puissent avoir du plaisir. Puis les femmes à la carabine sont aussi bonnes que les hommes. Ça, je peux vous le confirmer, ça. Ils vont faire des roses, ils vont faire des dents. En tout cas, vous comprenez que si j'explore, je vais marcher ses pieds une couple de places. Mais qu'éventuellement, je vais finir par arriver à une zone de satisfaction. Vous me suivez? Oui. Faut une question de suivre. La vibration. Pas mettre de restrictions. Enlever ça. Les femmes. Non. Je les ai vues tirer, les femmes. Tabarnak, un gars, besoin de mettre ses culottes bien d'aplomb. Christ, la Micheline, 69 ans, que sa Browning, le calice, elle m'a envoyé un email, elle a dit, j'ai tiré 4 balles dans le même trou. Oh, Christ. Chose avec sa carabine, là. On va faire qu'elle allume, tu sais. Parce qu'il peut penser que, moi, j'ai de l'expérience. J'ai une BAS, puis une 10 BAS, là, c'est pas battable. Papa. Tu vois que la carabine à Michelin, là, c'est précis aussi. Fait que, tu sais, ça fait comme, oups, là, il y a plus de sexe là-dedans. J'aime ça, moi, quand c'est une histoire, là, que... C'est plus une histoire de mâle puis de femelle, là, c'est une histoire de, hey, t'es bon. Parce qu'on s'entend que l'exercice à faire, là, même pour les pépés, là, comme moi, qui vieillissent, là, hein? Ça te demande pas de courir 2000 tous les matins, ça, pour faire ça, là. C'est juste une détente. Puis les détentes, c'est quand tu t'envoies d'une carabine de précision, c'est 6 onces. 6 onces de pression, là, ça part tout seul, tu souffles, puis ça part. Hein. OK. Peux tirer longtemps, hein? 82 ans. Tu vois, tant que tu es capable de regarder le télescope. Puis regarder dans le télescope, c'est à peu près l'équivalent à regarder dans une tasse de café. Fait que quand tu es vieux, tu regardes une tasse de café, tu es correct, normalement. Tu regardes un télescope, tu vois la croix, le chaud. Chris, tu regardes une tasse de café, calice. Poum, poum, poum. La télévision. Voilà, HD. C'est ça. Fait que, être lucide, c'est une affaire de lecture. Puis éventuellement, c'est une histoire de résultat. Puis être lucide dans un résultat, pas vivre de confusion, c'est de ne pas avoir de choix. Retenez-la, celle-là. Vous êtes aussi confus qu'il y a du choix. Et vous êtes aussi lucide qu'il n'y a pas de choix. Il y a un choix, vous êtes dans la merde. Vous êtes obligé de retourner ce que vous avez fait. c'est que vous avez choisi. Vous avez choisi. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de problème. Moi, là, je vais vous dire l'affaire. Une de mes recettes, c'est que je dis aux forces, quand vous m'envoyez et que je l'achète, vous le savez, je suis fidèle, hein, je vais mourir avec. Fait qu'arrangez-vous pour que ce soit la bonne affaire. Je ne fais jamais d'erreur parce qu'ils ne font jamais d'erreur. Là, tu vas me dire, oui, mais tu aurais pu avoir mieux. Ça n'existe pas dans ma tête. Moi, ce que j'ai, c'est le meilleur que j'ai à avoir. Comme mon auto, là, c'est le meilleur que je peux avoir. Quand ils vont me faire changer l'auto, ils vont m'avoir trouvé quelque chose de meilleur comme mon auto, mais ça va être le meilleur que je peux avoir. Je ne connais pas l'utilisation de mon auto sur une base de 300 000 kilos. Je ne connais pas. Eux autres savent mon avenir. Ils vont me trouver... Mon gars, il voulait que j'achète un Mazda 3. Peut-être qu'à l'époque, c'était ça qui était intelligent. Mais quand j'ai acheté mon Max, lui, il était choqué parce que je n'avais pas acheté de Mazda 3. Il dit, ça va te coûter plus cher le gaz. Là, là, là. Mais là, le char, il fait 9 litres au 100, là, avec le nouveau moteur. Moi, je ne savais pas que j'étais pour changer de moteur. Mais quand ils m'ont fait changer de moteur, ils m'ont réduit mon millage de 2 litres au 100. Là, je fais le millage d'un Mazda 3, avec un Maxima. Non, mais ce que je vous fais comprendre, c'est que les forces savent plus que ce que votre ego sait. Votre ego ne peut jamais connaître le futur. Les forces connaissent votre futur. Ça, c'est la même chose avec les humains. Je vous explique comment ça marche. Je vous explique comment ça marche. Arrangez-vous avec le taux. Fait que c'est sûr qu'un résultat vu par l'ego... C'est commandé par une volonté d'avoir telle chose. Ça, c'est comme ça que l'ego run le show. Mais il y a du choix dans un résultat avec de l'ego. L'ego, il va choisir telle chose, telle chose, telle chose. Puis là où il devient souffrant, l'ego, c'est quand dans ses choix, il ne peut pas rencontrer ses choix. Ce qui veut dire qu'exemple, toi, tu peux vouloir te marier avec un gars riche, mais tu peux ne pas être capable de vivre avec un gars riche. Parce que le gars riche, il peut être excessivement dominant, et ce que tu veux le plus au monde, c'est d'être libre. Et le gars riche va te faire souffrir parce qu'il va être un empêchement à ta liberté. Donc, ton ego va choisir une facilité, puis ton esprit va te choisir une difficulté de vie, à vie, pour que ce qui est prioritaire, être libre, soit maintenu. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, les forces. Ils peuvent vous mettre dans des conditions où votre volonté égoïque est transgressée, transgressée dans le sens que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez, pour qu'ils vous placent devant des modes de vie plus intelligents que la matière peut vous donner. C'est bien plus... Écoute, ça vaut combien de liberté? Tu ne peux pas mettre de prix là-dessus. Fait qu'être avec un gars qui a de l'argent, ce n'est pas une façon de vivre. C'est une façon d'avoir peur. Mais ce n'est pas une façon de vivre. Toi, être avec un gars qui a de l'argent, tu vas dire, hey, j'ai un mode de vie. Oui, mais à quel prix? Qu'est-ce qu'il faut que tu payes? Qu'est-ce que ta santé va manger comme coût? OK? Les forces, eux autres, le savent, ton futur. Ils connaissent ton système nerveux. Ils connaissent ta génétique. Ils connaissent un paquet d'affaires. Tu vis avec un gars riche, tu prends 40 livres de poids parce qu'il te bloque de partout. Tu vis libre, tu es slim jusqu'à 80. Puis les petits vieux te courent en chaise roulante dans un corridor. Chris, ça vaut mieux ça que d'être pris qu'un hostie d'hijack là, de kidnappage. Là. Tu peux-tu être libre et être avec un gars pas riche? Gars, non, mais gars, l'ego, il va se lancer dans un univers de confusion à choisir. Tu cherches à choisir. Ça, on choisit pas, là, c'est ça, là. Non, mais tu sais, tu vas toujours poser des questions que l'ego, il cherche un choix. Toujours! Puis c'est ça qui fait votre focage, votre enfer dans la matière. Vous ne pouvez pas vivre avec ce que la vibration vous apporte. Laissez donc le style de vibration vous surfer à la vague. OK, tu sais. Fait que là, vous êtes pris avec « Ouais, je ne veux pas perdre ça, je veux garder ça, j'ai ça, mais à ce temps que j'ai ça, je pourrais peut-être avoir ça. » Mais il y a des choses qui sont incompatibles. Tu sais, tu ne peux pas avoir un être dominateur dans ta vie et être libre. Ça ne va pas ensemble. Tu sais. Fait que, Chris, tu es obligé de flasher le dominateur, mais le dominateur, il t'apportait un certain mode de vie. Mais quand tu t'en vas libre, là, tu es dans le vide. Là. Quand tu es libre, tu es libre. Libre, ça veut dire petit oiseau qui flotte dans les airs, tu sais. Puis bien, quand le petit oiseau il flotte dans les airs, il peut pleuvoir aussi. Il peut faire froid dans les airs. C'est pas, il peut y avoir de la poussière dans les airs. Non, non, mais il peut avoir tout ça à faire dans les airs, là, tu sais. Mais être lucide, puis entretenir la confusion, les poissons sont maîtres là-dedans. Hein? C'est les rois de l'intrigue. Mais le problème, c'est que tu peux créer des intrigues pour les autres. Faire la pieuvre avec son nuage de boucan, là. Mais tu es prêt après ça à vivre dans ta boucane, là, parce que tu vois pas plus clair. La pieuvre, elle vaut pas plus clair que le poisson qui vient pour la mordre, là, tu sais. Fait que vous avez des zones de confusion qui viennent sur le fait que vous faites des choix. Pas de choix, pas de confusion. L'auto que vous avez, c'est la meilleure au monde pour vous autres. Mais c'est pas la meilleure au monde dans les statistiques de comparaison de APA et ces affaires-là. Vous me suivez? Mm-hmm. C'est... Tu ne vis pas de la même façon dans ta tête quand tu es avec la conscience que quand tu es dans l'ego. Dans l'ego, c'est une histoire de performance qui n'est pas basée sur un individu, mais qui est basée sur une collectivité. C'est quoi le char le plus économique? C'est celui que tu ne payes pas. Le char le plus économique, c'est celui que tu ne payes pas. Mais là, tu veux dire quoi, là? Bien, ça veut dire... que si on dit l'auto la plus économique, c'est un Honda Fit. Si moi, je m'achète un Honda Fit, puis ça me coûte 300$ par mois, vous payez le Honda Fit, puis que j'ai un maximum que j'ai tout payé, le meilleur char pour moi, c'est celui sur lequel je ne paye pas. C'est même si j'ai 2 litres de plus au 100. Ben oui, c'est ça, je ne le paye pas. Je n'ai pas à le payer. Il est free of tax, il est free, tu sais. Je ne paye pas. Tout ce que vous avez dans la vie que vous n'êtes pas obligé de débourser pour, c'est ça qui est le meilleur. Tu sais, le gars, pour avoir du sexe, ça lui coûte 400$ par semaine, puis il se marie, puis ça lui coûte 1000$ par semaine. C'est bien mieux d'avoir une guidoune. Ça coûte moins cher. Hein? Vous n'avez pas vu celle-là, hein? Moi, quand j'étais marié, ça me coûtait 40 000 par année. Depuis que je suis célibataire, ça ne me coûtait rien. Fait que je peux être pauvre, ça ne dérange pas. Mais être pauvre quand t'es marié, t'es dans la merde. T'es sûr de divorcer. Ben oui, tu peux pas faire vivre ta famille, tu sais. Tu sais, quand vous commencez à jouer avec les systèmes de valeurs, qu'est-ce qui est le meilleur, là? Qu'est-ce qui est le meilleur? Il y a des choix là-dedans. Quand tu regardes pas la vie en termes de choix, tu regardes ce que la vie t'apporte dans la vie. Je vais te dire, ta vie qui va avec ce que t'es. C'est comme ça que vous devez regarder la vie. Vous ne devez pas regarder la vie en termes de « il manque quelque chose ». Non, vous devriez toujours regarder la vie en termes de « ah, les forces, ils veulent que je vive ça. Pourquoi? Pourquoi? » Ils peuvent-tu te le dire, là, pourquoi? Oui, ils peuvent. Moi, ils m'ont dit que dans la vie, il faut que je finisse ma vie avec un maximum d'associations. Fait que je suis un développeur, moi, là. Il faut que mon intelligence serve à m'associer avec des gens. Puis à développer tout ce que je peux développer. Fait qu'ils vont me mettre dans la marde pour que je m'associe avec des gens. Puis... Non, ils veulent pas que je m'isole. Non, ils veulent pas que je m'isole. J'ai une interdiction d'isolement dans mon cas, moi. Fait que je peux pas choisir les gens avec qui je m'associe, mais eux autres, pour eux autres, c'est pas ça qui est important. Tu sais, moi, par principe, je m'occupe des gens qui s'occupent de moi. Mais pourquoi je m'occupe des gens qui s'occupent de moi? Je m'occupe des gens qui s'occupent de moi parce que il faut qu'il y ait un échange. Puis les gens ne sont pas naturellement portés vers un échange. Ils sont naturellement portés vers un intérêt. Ils vont dire, bon, ben moi, je suis avec par intérêt. Je suis avec pour telle ou telle raison. Mais moi, je suis capable de transmuter l'intérêt, c'est-à-dire rencontrer l'intérêt que la personne a pour que l'échange se fasse. J'ai cette particularité-là. Fait que... C'est pour ça qu'à partir de là, ben j'ai pas de limite, moi, là. Tandis que les gens, s'ils n'ont pas leur intérêt, ils ne se matchent pas. Tandis que moi, je dis, bon, ben, c'est ça ton... Tu sais, comme quand j'étais au centre de tir, je dis, ton intérêt, tu vas avoir 12 membres de plus. Tu n'es pas capable de voir ça? Il dit, ouais, mais tu vas faire de l'argent. Je dis, écoute bien, man, là, je travaille à 60$ de l'heure, j'arrive ici, je travaille à 10$ de l'heure. On s'entend, là, que, tu sais, j'ai réduit mon salaire, moi, pour avoir du fun avec une gang de chums, là. Fait que, tu sais, faut bien quand même qu'il y ait un minimum. Je ne tirerai pas une balle la journée, moi, c'est tout le monde qui va tirer. Il faut que je trouve mon fun là-dedans. Comprends-tu? Ça ne paye pas, même pas mon lunch puis mon gaz, là, c'est ridicule. En plus, je laisse aller ma carabine, sacrement. Elle est belle. Non, mais je veux juste vous faire comprendre. Les gens, ils ne veulent pas que tu aies d'intérêt, mais eux autres, ils veulent répondre à leurs intérêts. Alors, moi, je cherche des compromis, puis si je ne suis plus capable de trouver de compromis, c'est arrange-toi avec tes troubles. Si, comprends-tu, vrai? Fait que moi, c'est l'échange. Moi, je suis toujours en train de regarder qu'est-ce qu'il y a comme échange, puis je m'arrange pour me déséquilibrer là-dedans. Question? Allez-y. Mais c'est d'être créateur, ça. Ben, la créativité, c'est basé sur le partage, la créativité. Il faut être bien, bien lucide dans la notion de créativité, parce que, tu sais, gars, comme chose, ton chum Jean, là, il veut te faire vendre des T-shirts. L'idée du concept du T-shirt est bonne, mais l'idée de la personne qui va vendre les T-shirts est biaisée. Fait que, il dit, écoute, montre-moi une équipe, si tu peux pas, ben on va laisser faire, on va trouver d'autres personnes. T'sais. Mais non, il veut que tu vendes des T-shirts. Ça, c'est un rapport d'employé-employeur, c'est pas bon. Là. Bon, ça, c'est une erreur, il fait des erreurs. Bon, c'est pour ça que ses affaires ne marchent pas à 100% non plus. Mais s'il est capable de lire ta vibration, il me dit, bon, ben, hey, c'est la fille pour organiser un événement, mais c'est pas la fille pour faire l'événement. Là. Il y a une différence entre trouver un artiste pour le faire ou trouver des employés pour vendre des T-shirts, puis prendre l'organisateur puis le mettre devant le kiosque. Ça ne marche pas, là, son histoire. Bon, que tu peux prendre n'importe quoi dans la vie, puis, mais il faut que tu aies une lecture de la vibration. Lui, il a un problème de lecture de la vibration. Tu sais, c'est comme tout pour le projet, puis il met les gens esclaves du projet. Moi, c'est tout pour le monde, puis le projet doit servir aux gens. Tu sais, moi, faire tirer du monde, ce que j'ai vécu comme expérience, ça donne plus de densité, plus de stabilité. C'est une occasion de faire quelque chose qui est un petit peu marginal. Tu sais, tu es dans un party, puis sors ton permis d'acquisition de possession d'armes. Ça donne oui, c'est vrai, hein? J'ai comme scrappé mon chandail. Non, ça s'enlève. Oui, mais en tout cas, je vais le considérer scrappé. Et puis, c'est ça. Fait que, tu sais, ça met. C'est comme quelqu'un qui dit je tire au tarot, tu sais. Puis, non, je tire du revolver, je tire du pistolet, je tire la carabine. Puis, tu sais, c'est comme. Teinte, oui. C'est le fun, c'est marginal, c'est punchy. Fait que c'est ça. Question? Pas d'autres questions? Comment tu fais, mettons que tu es dans une phase confuse, pour retrouver ta lucidité? Bien, c'est ce qui vous crée confus, je l'ai dit, c'est le choix. Élimine les choix, puis traite avec ce que tu vis actuellement, puis déjà, là, tu vas en avoir éclairé pas mal. Beaucoup, beaucoup. Tu sais, l'idée, là, exemple, tu sais, toi, tu es dans l'affaire du divorce, là. L'idée de choisir si tu vas divorcer ou pas, c'est faux, ça. Il y a une illusion là-dedans. Ça va pas bien. Donc, tu es déjà divorcé. Quand ça va pas bien, c'est fini déjà, là. C'est pas parce que le corps est là que tu as le couple. Moi, il y en a une qui m'a dit une fois, Daniel, tu peux pas vouloir penser qu'on est ensemble si moi, j'ai pas donné mon consentement. C'est de la domination. Tu ne peux pas m'imposer d'être ton couple. Je te reconnais comme ami, mais je ne te reconnais pas comme conjoint. Hein, Chris, tu ne peux pas être plus limpide que ça. Bon, bien, toi, quand tu choisis d'être en couple ou de ne pas être en couple dans ta tête, tu es malade mental, ma grande. Non, je vais te faire comprendre quelque chose. Je ne te donne pas le droit de parole. Tu es malade dans la tête parce que tu penses pour l'autre. Tu penses que tu vas mettre l'autre à ta décision. Et ça, ça demande un divorce. C'est vital que tu divorces parce que tu es folle. Sais-tu pourquoi tu es folle? Parce que tu veux avoir la vie de l'autre à ton contrôle. C'est ça le malade de l'affaire. Tu es supposé vivre avec quelqu'un qui consent d'être avec toi, pas avec quelqu'un qui souffre d'être avec toi. Parce que si tu es avec quelqu'un que tu fais souffrir, tu es malade, tu as peur de la vie, tu penses que tu n'as pas de ressources, tu es un être annihilé. Je niaise pas, je l'ai connu cette étape-là, de vouloir que quelqu'un m'appartienne, c'était comme vouloir m'imposer comme mode de vie ultime à la personne. Puis tabarnak, je souffrais qu'elle ait plus de fun avec un autre qu'avec moi. Hey, bonhomme, t'es malade! T'es malade! Et quand j'ai compris que j'étais malade, j'ai dit, hey, faut que je me guérisse, moi, là. Puis il n'y avait pas d'autre choix que de coller mon camp. Parce que je ne pouvais pas rester dans la relation avec quelqu'un qui souffrait d'être avec moi. Pas parce que j'étais pas fin, c'est parce qu'elle n'avait plein le cul. Elle était tannée. Tu tentes de manger de la crème en glace. C'est bon de l'hostie de crème en glace, mais tabarnak, elle m'a amené, c'est assez hostie. Tu veux manger d'autres choses? Bon, comprenez-les. Parce que les sacrements de coupe, moi, je m'en ai passé devant le visage pendant des années. Puis c'est toujours la même hostie de folie, l'hostie de contrôle puis de possession de l'autre. Tout le temps, tout le temps. Vous n'avez pas le choix quand vous êtes avec quelqu'un. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez jamais le choix dans la vie. Mais l'hostie de couple, ça apparaît plus que tu n'as pas l'hostie de choix. Parce que quand l'autre, il n'aura le pompon, il est déjà plus avec toi, Christ. Puis c'est pas parce qu'il reste à telle place, parce qu'il est obligé de dormir en quelque part, qu'il t'appartient, fuck all. Est-ce que comprends-tu ça? Puis j'en ai vu des hosties de couple. Son sacrement de chum le donne, là. Hey, je fais 1 million par année! Ben oui, puis c'est à elle, c'est dans son compte. Puis même si tu le mets dans son compte, qu'est-ce que tu vas lui demander comme condition? 1 million par année, 5 000 $ par jour que je fais. Ben oui, gros ça, toi. J'y fournis la BMW, je l'emmène en voyage. Ben oui, c'est ça, c'est des voyages, des conventions de dentiste, tabarnak. T'as besoin d'un voyage, toi, là? Déductible d'impôt. Déductible d'impôt, c'est-tu? Crise de comptable de calice. C'est ça, tu sais. Là, il traîne son caniche, calice, tu sais. À Londres. Ah oui, on est à Londres. Puis là, t'es en Thaïlande. T'as tout ton caniche en arrière de toi, là. Ou les Hells, là, qui vont prendre un collier à la fille, qui vont mettre une chaîne, puis ils l'attachent à leur ceinture sur le bicycle. Hein? La fille, elle tombe. Elle t'emmène avec. Niaiseux. C'est ça, de la possession. La maladie! Vous n'avez pas le choix. Ça n'existe pas, le choix. Surtout quand vous êtes dans des rapports humains. Puis encore, les enfants, c'est la plus mal... La plus grande marque du pas le choix dans la vie, c'est les enfants. Ils collissent le camp un jour. Collissent le camp. Essaye donc d'avoir le choix qu'ils ne partent pas, toi. Là, tu vas dire que c'est normal qu'ils partent. Non, non, non, non. Il y en a, c'est des parents, sacrément, qui sont malades, c'est-tu. Moi, j'ai capoté pendant 3 mois quand mon gars est parti. C'est lui qui faisait la cuisine chez nous, puis il était bon cuisinier. C'est-tu, c'était tough. Ça fait que la morale de ça. On n'a pas le choix dans la vie. Okay. Si tu le comprends au niveau du couple, tu le comprends pour le reste. Tu n'as pas le choix pour le travail que tu fais. Tu as un talent, sacrément, tu as le développé, puis fuck all, fais-les. That's it. Tu peux avoir des nuances. Moi, je peux être dans le développement avec, exemple, de la mise en marché avec les carabines. Comme je pouvais dans le temps, j'avais la batte qui m'avait offert de rentrer sur le groupe de marketing pour le Grand Prix du Canada. Je pensais que je choisissais d'être astrologue, mais pour moi, c'était plus, écoute, je faisais déjà 55 000 par année comme astrologue dans les années 72, 73. Il m'aurait donné à peu près le même salaire. Ça ne m'intéressait pas. J'avais déjà du fun dans ce que je faisais, puis j'étais libre. Mais si je n'avais pas eu le choix, là, tu sais, dans le sens que ça n'aurait pas marché, l'astrologie, je me serais en allé là-dedans. Mais j'avais le choix, ça allait bien. Mais tu sais, je n'avais pas le choix, dans le fond, parce que ça allait bien, puis c'était ce que je voulais faire. Fait qu'on n'a pas le choix. C'est important de comprendre ça. Mais si t'élimines le choix, t'élimines la confusion. Ça nous enlève la polarité aussi. T'as pas de choix, t'as juste une traque. Tu sais, la traque, c'est sûr que tu vas vivre du mal, l'exploration. Moi, quand je suis tombé tout seul, j'ai trouvé ça raide. Ça a duré combien, ma solitude, combien de temps? 3 mois. Je t'ai vu une paire de grands cannes, c'est-tu en train de laver son char? Oh, tabarnak, c'est cute, ça, là. C'est drôle, j'ai oublié l'autre, tout d'un coup. Puis là, il a servi de bord. Et il y avait de la boule en avant. Et tabarnouche, il dit ça. Tu pines le trailer là-dessus, puis ah ouais, on y va. Chris, bonjour mademoiselle. Je peux-tu vous aider? C'était ma voisine. Ah oui, il fait 7 ans avec la voisine. Je dis, si vous voulez, vous avez l'air à forcer beaucoup. Je peux vous faire un bon massage, si vous voulez. Elle dit, un massage, elle dit, c'est très privé. Je dis, bien, écoutez, je fais ça professionnel. Là. Je dis, moi, je touche les parties que vous laissez faire. Elle dit, bon, OK, c'est correct. Elle dit, je travaille fort. Oh, non, non, je suis vite en affaire, moi. Là. Puis là, un petit massage, elle dit, oh, ça fait du bien. Ouh, ouh, ouh. Là, un moment donné, oups, les culottes s'en vont. Hey, si vous me demandez ça, je vais vous le donner. T'sais, 3 mois. 3 mois après le divorce que je pensais mourir. Donc, puis après qu'elle est partie, 3 mois à peu près, le dodo est rentré. Elle, c'était pas le massage, ça passait pas, c'était la musique. Non. Arrêtez de capoter. Les forces savent que. Les forces, ils savent. Ils sont pas fous, les forces. C'est brillant, les forces. Ça s'en est ou ça s'en va, je te jure. C'est bien intelligent, les forces. Au même titre, tout à peu près aussi intelligent de vous garder ensemble pendant X années. J'ai passé 23 ans en couple, puis je ne sais pas combien, depuis 93, ça fait quoi ça? 17 ans, non plus que ça, une vingtaine d'années, je pense que je suis célibataire. Bien, 93 aujourd'hui, là. 18 ans célibataire, puis pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de malheur. Je ne suis pas malheureux d'être seul. J'ai 40 choses. C'est juste une question de balancer tes vibrations. C'est juste ça. Mais surtout, pas choisir. Moi, je ne choisis pas de ne pas vivre avec quelqu'un. Ça ne se place pas. OK. Il n'y a pas de choix. Sortez de l'affaire de choisir, puis votre vie va aller super bien. Tu peux dire à quelqu'un, non, je ne veux pas sortir avec toi, mais je veux sortir, fait que tu choisis. Moi, je pense que la seule chose, je parle pour moi, là. La seule chose que je peux avoir, c'est une belle femme comme toi, je vais aller au restaurant, puis que je peux lui dire, c'est 60$ la consultation. Ou dire, non, c'est gratuit pour aujourd'hui. À mon choix. Fait que c'est un choix. Non, c'est pas un choix. Il y a des journées que j'ai pas le goût d'être avec une belle femme, j'aime mieux être avec les carabines. Puis il y a des journées que, bon, ça fait mon affaire. C'est tout selon comment je me vibre. Vous me suivez? C'est pas... c'est ça. Là, de ce temps-là, j'appelle Madeleine souvent. Ça donne de même. Mais si elle commence à me casser le pompon, on se verra pas souvent. Là, je la sens vouloir s'infiltrer dans la gestion de ma finance. Là. Puis ça, faut pas qu'elle aille là-dedans. Parce qu'elle est dominante là-dedans. Puis elle a un petit ton bec sec, là, tu sais. Là, quand je chante, Lise est pareille, elle a le gna gna gna, tu sais. Ça, c'est des caractères de femme, j'ai le goût de botter le cul, ça, tu sais. Botter le cul, botter, avec un coup de botte. Ils n'ont pas botté dans le sens vulgaire du terme. On a du montage à faire, cette style-là. Si à chaque fois je regarde l'ouvrage à la fin, il y a un minimum d'une demi-heure, faut qu'il... Non, mais le point que je veux faire, c'est que c'est pas. Je ne suis pas avec les gens par obligation. Je suis avec les gens parce que ça fait mon affaire. Mais tu sais, elle a travaillé sur mes textes. Elle m'a prêté beaucoup d'argent. Puis elle est toujours là, Chris, quand j'ai besoin d'elle. Puis là, elle tient pas en position financière pour être aussi généreuse qu'avant. Puis, j'en tiens compte de ça, là, tu sais. C'est comme OK. Puis elle n'est pas dans ma vie pour me torcher, moi, là tu sais. Je suis comme pas dans sa vie pour la torcher non plus. Mais ça donne de même, puis je suis correct. Elle aime les guns. Fait quand j'ai besoin de vérifier pour voir si ça a l'allure, les guns, je vais avoir. Puis je dis, qu'est-ce que tu en penses? Puis je l'emmène, comme chez Samuel, j'ai acheté le carabine. Je l'ai amené là. Je dis, comment tu vis ça? Ça fait, je tiens compte de son point de vue. Fait qu'elle, ça y fait une bonne relation, puis moi, ça me sert à mes affaires. T'sais. C'est tout intelligent. Les forces, c'est toujours intelligent. Quand tu as une vibration, c'est toujours intelligent. Mais choisis pas de dire, Madeleine, à tous les mercredis, on va faire ça. Choisis pas ça. C'est toujours la vibration. Là, la vibration, c'est ça. Puis à un moment donné, ça peut être d'autres choses. Fait que, puis dans ça, vous mécanisez. Puis quand vous commencez à mécaniser, vous allez commencer par penser que vous êtes propriétaire de quelque chose. T'sais, j'ai donné de la merde à mon voisin, là, Luc, là, puis finalement, ça a bien viré. Le gars, il a pris son biscuit. Puis là, tu sais, on sent qu'il a été cassé, là. Il a été cassé, puis sa femme aussi, puis c'est parfait. Puis c'est plus smooth, c'est plus relax. Puis quand j'ai dit « tes bouteilles de vin », je l'ai appelé, j'ai dit « ta-ta-ta-ta, y a-t-il une place qu'ils peuvent racheter ça? » Il dit « oui, il dit à Hawkesbury, à telle place, il dit « ils rachètent le stock, eux autres. » Ah, correct. Fait que si jamais tu vas aller faire une ride à Hawkesbury, on ira à Hawkesbury pour vendre tes bouteilles. J'explique, là, tu sais. Ça m'a donné l'occasion de voir qu'il était bien conciliant, puis c'est tout OK. C'est ça. Mais, tu sais, c'est pas une équipe, puis, tu sais, papa. Puis quand je l'ai brassé, moi, l'autre fois, là, je l'ai pas brassé en disant « Je devrais peut-être pas le brasser parce que je vais perdre ses capacités de m'aider. » Brasser tabarnak parce que ça passait là, puis j'ai laissé les forces travailler, puis j'avais le fou au cul pendant quasiment 2-3 jours de temps. Quand je suis revenu là, dans le portrait, Parce que là, j'ai vu qu'il y avait une éclipse. Puis c'est Robert qui... Tu sais, là, j'ai emmené un petit marteau, le petit marteau qu'il était content. Puis tu voyais, il avait sa vibration avait déjà changé. Puis Madeleine, elle m'a dit, il est plus relax avec moi, là. Puis, tu sais, papa, papa. Bon, OK, tu sais. Oui, mais j'ai pas fait ça d'intention. Comprends-tu? Ça a été fait sa vibration. J'ai pas choisi de le maganer, là, t'sais. Ça s'est passé. Les forces se sont servies de moi comme canal. Il y a une intention égoïque. Puis c'est l'ego qui, dans le choix, essaye de déterminer pour ses avantages personnels qu'est-ce qui doit être fait. Parce que l'ego, c'est un égoïste. Ça le dit, ego, égoïste. Puis tous les égos sont égoïstes. Tous les égos. Il faut beaucoup d'esprit pour être généreux. Il faut premièrement, pour être généreux, avoir une science de l'avenir. Il faut que tu sentes que tu n'es pas menacé dans le futur. Fait que quelqu'un me dit, moi, je suis généreux, j'ai donné ça. Minute, là. Je connais des gars qui donnent 1 milliard aussi dans les œuvres de charité parce qu'ils sauvent l'impôt pour autant que son chum n'était pas généreux avec elle, fuck out. Quand j'étais arrivé dans des affaires aussi essentielles que de respecter son emploi du temps, il n'était pas capable. Il fallait que ça soit à son emploi du temps, lui. Je disais, moi, j'avais dit à Claire, je dis, il va te bouffer ta santé, ce gars-là, c'est dangereux. Il critique le calice. Tu vas blaster, calice, c'est une question de temps. Alors, elle l'a laissé. Il est venu me voir à la consultation parce qu'il pensait que c'était moi qui voulais sortir avec. Je dis, écoute, ben, bonhomme, là. Tu vois, là, il cite, là, calcule le nombre d'hommes, là, dans le restaurant. Il y en a 14 à peu près, là. Ils veulent tous sortir avec ta blonde. Imbaisable. Tu as dit ça? Ben, moi, je dis n'importe quoi. Baisable. C'est Chris. C'est le genre à tout le monde, c'est quoi, Alice. Tandis qu'une fille qui est faite, qui est laide à faire des remèdes, c'est pas le genre à, c'est le genre à un gars, ça. Faut qu'elle le trouve. On s'entend qu'une belle femme, Chris, tout le monde va baiser. Pour être quelque chose de particulier, bullshit. Se promener avec un Volvo 1942, là, c'est bien plus rare que de te voir avec une Porsche 2011. Ils sont rares, les 42, parce que la plupart sont à la scrap. Hey! Si, il y a un malade. OK, j'ai fini.